Non, le 12 octobre, tu nous quittais. Mémé, ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. Nous garderons le goût sucré de tes bons sablés au beurre. Si tu n'avais plus ta tête, ça n'était pas important. Quand tu rangeais tes lunettes dans le frigo, c'était marrant. Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais. Mémé, champignons pour avoir les yeux éclatés. Tes bruitages insoutenables étaient toujours bienvenus. Quand tu te levais de table, c'était souvent sans retenue. Nos petites farces amicales étaient parfois venues. Ta dernière te fut fatale, nous le regretterons, ça c'est sûr. Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais. Mémé, nous garderons en mémoire ce dentier qui fut le tien. Il donnait à tes histoires un petit air américain. Et nous ajouterons en prime ton fabuleux sonodrome. Lui qui nous a pris le rythme méritait qu'on le mentionne. Nous sommes tous au désespoir, et nous ne saurons jamais ce que faisait ce savant noir tout en haut de l'escalier. Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais.